Alors, du coup, on va passer à l'intervenante suivante. Juste, je vous invite à vous avancer un petit peu, à venir vous asseoir, comme ça un maximum de personnes pourra venir écouter. Je vous rappelle que tout le monde peut venir, tous ceux ou toutes celles qui le souhaitent peuvent venir faire une intervention ici à Debout Éducation Populaire. On est là du mercredi au dimanche dans la journée, donc n'hésitez pas si vous avez envie de venir intervenir sur un thème, au contraire. Voilà, vous venez nous voir et puis on vous inscrit. Si vous souhaitez aussi nous aider pour faire partie de l'organisation, on a toujours besoin de monde pour monter la bâche, faire la modération, et puis s'occuper d'inscrire les intervenants également. Donc là, on va repartir sur une autre intervention. Donc l'intervenante Florence a à peu près 20 minutes pour vous présenter son thème. Et suite à cela, il y aura 40 minutes de débat, comme ça a déjà été le cas juste avant. Et donc je vous invite dans tous les cas à ne pas hésiter à prendre la parole et à rester bienveillants chacun les uns et les unes envers les autres. Voilà, donc Florence va nous parler Pirates. Des femmes, est-ce que ça, oui, si c'est bon. Des femmes pirates, alors j'ai inventé un mot parce que ça n'existe pas dans le vocabulaire, des piratesses, et je ne parlerai que de celles qui sont capitaines, qui étaient capitaines, qui avaient été élues capitaines. Alors je suis désolée, je suis pas spécialiste, mais j'ai un papier. Les femmes en piraterie, la femme était malvenue sur les navires pirates occidentaux. Sa présence était en général clandestine, mais elle était beaucoup moins rare qu'on le croit. À l'opposé, la piraterie chinoise était une affaire de famille. Les femmes pirates n'habitaient pas, enfin, les pirates n'habitaient pas sur terre, ils habitaient sur des bateaux en famille. Et ici, vous avez la photo du plus grand pirate de tous les temps, c'était elle. J'en parlerai tout à l'heure. C'était une femme, une chinoise. L'inadmissible relégation de la part des historiens occidentaux, des historiens de la flibuste, fait qu'on ignorera toujours le nombre de femmes qui choisirent la mer comme terrain de lutte armée. Chez les frères de la côte, c'est comme ça qu'on appelait les flibustiers, les femmes perturbaient la fraternité virile. Pureté en mer, débauche à terre. Là où il n'y avait rien à piller, elles étaient enlevées, violées, massacrées. Les femmes entraient en piraterie pour fuir la guerre, pour fuir la misère, enfin plutôt la misère, pour fuir un mariage contraint, pour fuir la prostitution forcée, ou alors par soif d'aventure, quelquefois par appât du gain aussi, comme les hommes, ou pour suivre un père ou un mari. Alors, c'était pas pratique d'être clandestine. Il fallait cacher ses règles, il fallait comprimer sa poitrine, il fallait parfois cacher une grossesse. Sous un nom d'emprunt, les piratesses existèrent à toutes les époques. Là, c'est à l'époque, la première dont je vous parlerai, ça sera les Vikings. Là, c'est une gravure du XVIe siècle de piratesses suédoises. On les a trouvés à tous les échelons de la hiérarchie. La langue française n'a pas prévu de masculin, et je précise que je ne parlerai que des capitaines parce que, et déjà, je ne parlerai pas de toutes. Il y en a eu beaucoup, plus qu'on ne le croit. Elles étaient élues capitaines d'un équipage en mutinerie. Souvent, c'est elles qui provoquaient la mutinerie. Elles ont levé des flottes, des armées, et elles étaient les plus âpres au combat, en tête d'abordage, et selon les hommes, parce que c'est les hommes qui ont écrit l'histoire, elles étaient encore plus cruelles qu'eux. Elles étaient soit issues du peuple, soit issues de l'aristocratie. Elles n'ont pas remis en cause les valeurs viriles ni le fonctionnement de la société. Toutefois, elles ont été justes avec leur équipage et dans la répartition du butin. Elles ont parfois été pendues par les autorités. Quand l'oubli n'a pas sombré avec elle au fond des mers, lors des combats ou des tempêtes, des procès très précis ou des témoignages de contemporains ont relaté leurs faits d'armes et leur vaillance. Maintenant, je vais passer au récit de vie. La première, Alfhild de Gotland, au 5e siècle, ou alors il y en a qui disent au 9e siècle, il y a des divergences selon les historiens. C'est une princesse scandinave de la tribu des Goths. Elle était réputée si belle que son père la faisait avec deux vipères, ça c'est le côté légende, pour décourager les prétendants. Le beau prince Alf tua les vipères et plut à Alfhild, mais pas à sa mère qui estimait qu'une viking ne devait pas perdre sa virginité sans résister. Alors, son dilemme la poussa à prendre la mer. Elle a constitué un équipage uniquement féminin. Ensuite, elle a pris un navire de voleurs qui l'ont élue capitaine. Elle est devenue puissante et elle a été renommée pour sa bravoure. Elle a été à la tête de deux navires en piraterie jusqu'à ce que Alf la retrouve. Et là, je vous passe les détails, ils se sont mariés, ils ont eu une fille, et là, elle a disparu de l'histoire. Comment un clerc danois du XIIe siècle a écrit sa vie en l'émaillant de merveilleux, le coup des deux vipères, et il a latinisé son nom en Alvida. Il y a un groupe pour enfants, Mama Kaya, qui a fait une chanson qui s'appelle Alvida. L'aventure maritime viking se déclinait dans les deux genres. Et les guerrières du Nord étaient parfois capitaines. Ça, c'est attesté. On va passer maintenant au XIVe siècle. Jeanne de Belleville, en Bretagne. Déjà veuve, elle est née en 1300. Elle a épousé en 1328 un noble breton qui a combattu pendant la guerre de Cent Ans. La guerre a commencé en 1337, la guerre de Cent Ans. Prisonnier, il a été rapidement libéré, mais le roi de France, Philippe VI de Valois, l'a arrêté pendant un tournoi parce qu'il l'a soupçonné d'être de trahison, ce qui était faux. Il l'a pendu sans procès et il a exposé sa tête à Nantes. La Jeanne, eh bien, elle a levé une armée de 400 hommes. Elle a pillé 6 châteaux au service des Valois avant de vendre ses bijoux et son butin pour armer 3 vaisseaux avec le soutien d'Édouard III d'Angleterre qui était bien content puisque c'était pendant la guerre de Cent Ans. En tenue de maille, elle était appelée l'impitoyable lionne de Clisson. Clisson, c'était le nom de son mari qui avait été tué par le roi de France. Elle était très respectueuse de son équipage. Elle était toujours la première à l'abordage. Elle radiait, elle incendiait jusque loin à l'intérieur des terres normandes. Et elle a tellement déstabilisé le commerce que le pape Clément VI s'en est inquiété, a fait une requête auprès du roi d'Angleterre qui en avait rien à faire. Du coup, c'est le roi de France qui est parti en guerre contre elle. Elle a fini par être vaincue. Et elle s'est sauvée dans une chaloupe qui a dérivé jusqu'à Morlaix et elle a eu de la chance, elle est tombée sur des ennemis des Valois qui l'ont recueillie. Les Anglais ont été vainqueurs à Crécy en 1346. Ils se sont installés à Calais en Bretagne. Elle s'est remariée, elle a récupéré ses terres. Son fils, qui a pourtant été recueilli par le roi d'Angleterre pendant un temps, il est devenu chef des armées royales de France et on sait précisément tout ce qui s'est passé. Elle a été capitaine piratesque de l'automne 43 à la fin 44 et les aristocrates étaient rares en piraterie. Certains historiens la disaient corsaire, ce qui était faux parce que les corsaires ont des lettres de marque et donnent une partie du butin à leur commanditaire, or ce qu'elle ne faisait pas. Elle a juste été aidée et elle ne reversait pas ses butins. Les intérêts juste convergeaient. Elle était mue par le désespoir d'amour et la haine contre l'injustice. Elle s'est ruinée pour rémunérer ses équipages et entretenir ses navires. Elle était unique en son genre, mais elle n'a absolument pas remis en cause l'ordre social. Après, elle est redevenue aristocrate. On part au XVIe siècle avec Grace O'Malley en Irlande, 1529-1603. Initiée très jeune par son père, puis épouse de pirate à 16 ans, elle a pris le contrôle de la flotte paternelle à sa mort. Elle est interdite de titre de chef de clan parce que les femmes n'ont pas le droit, mais elle en a le rôle et gare à celui qui ne la respecte pas, il est zigouillé. mère de 4 enfants, elle a survécu à ses conjoints, elle a pillé les châteaux, attaqué les bateaux, 1601, soit 2 ans avant sa mort. Elle était en conflit ouvert avec un gouverneur qui a fait assassiner l'un de ses fils, en a emprisonné un autre, mais elle a réussi à obtenir sa libération grâce au soutien de la reine Élisabeth Ière. Grace s'éteint dans son lit à 74 ans après 60 ans de piraterie. C'est une des plus grandes longévités de tous les temps de carrière de pirate, hommes et femmes réunis. Maintenant, je vais vous raconter une histoire qui ressemble à une tragédie shakespearienne, mais c'est une histoire vraie. C'est l'histoire de Charlotte du Berry, qui a sillonné les mers de l'Angleterre et de la Méditerranée jusqu'à la Méditerranée au XVIIe siècle. L'Anglaise Charlotte du Berry naquit en 1636 dans un port près de Londres. Son éducation était très rigide. En âge de la fuir, elle traîna dans les docks déguisée en homme, bien sûr en cachette de ses parents. Elle se sentait enfin libre. Alcool, jeux d'argent, rapines, bagarres étaient le quotidien des malfrats qu'elle fréquentait. Une nuit, elle rencontra Jack Gibb, né Jack Miles. C'était un marin de la flotte royale. Il plaisait tellement à Charlotte qu'elle lui a montré sa féminité. Ce fut le coup de foudre, mariage immédiat. Comme le navire de Jack repartait en mer au bout d'un mois, elle s'est enrôlée sous le nom de Dick, à nouveau déguisée en homme et en se faisant passer pour son frère. Ils combattirent côte à côte dans 6 grandes batailles navales jusqu'à ce que le capitaine en second, le lieutenant House, découvre sa féminité. Ah merde, oula, bon, ça va être dur. Il avait surpris les amoureux qui étaient devenus imprudents et la présence clandestine d'une jeune femme qui était une excellente combattante excitait la convoitise de House. Il décida de se débarrasser de Jack. Le lieutenant ordonna à Jack les tâches les plus dangereuses dans les combats, mais Dick ne le quittait pas d'une semelle et ils se sont battus vaillamment en survivant tous les deux. Il a dû changer de tactique, ce lieutenant. Il a profité de sa position pour accuser Jack de mutinerie. Et là, la parole d'un chef en second ne peut être contestée par un simple matelot. Alors là, accrochez-vous. Il fut condamné à recevoir, c'était le lot des punitions pirates, dans la marine navale, à recevoir 12 coups de fouet par chacun des marins de toute la flotte. Sous les coups du chat à 9 queues, il mourut dans la barque où il était transporté de bateau en bateau. House força Charlotte à partager sa couche et la viola jusqu'à l'approche d'un port anglais. Elle avait réussi à dissimuler un couteau. Elle poignarda House avant de sauter du bateau. Elle réussit à fuir à Londres, habillée de nouveau en femme. Elle travaillait dans un cabaret mal famé près du fleuve quand un gros et vieil homme l'enleva. Il s'appelait Wilmington. Il était capitaine du Normandie, un navire de commerce négrier en partance pour la Guinée. Une fois en mer vers l'Afrique, évidemment, il a forcé Charlotte à l'épouser et il l'a violée toutes les nuits. Comme il était très cruel, son équipage le détestait, alors Charlotte a pu facilement organiser une mutinerie. Elle décapita son mari. Les mutins l'élurent capitaine et le navire fut rebaptisé The Trader. Charlotte se redéguisa en homme sous le nom du capitaine Rudolph. Ainsi débuta la vie de chef piratesse, de capitaine de Charlotte du Berry. Elle attaqua de nombreux navires et acquit rapidement une terrible réputation de férocité. Elle avait cousu la bouche d'un des prisonniers, par exemple. Elle sillonna les côtes de l'Espagne, de l'Atlantique à la Méditerranée, mais son navire fut si endommagé par les tempêtes et les batailles qu'elle dut se mettre à quai pour le réparer. L'équipage dut attendre, ça c'était le lot des pirates, c'était leur faiblesse, ils devaient aller faire réparer à terre. Les taux, hélas, ça a été à Grenade en Andalousie. De nouveau habillée en femme, elle traîne dans les bars du port. Le fils d'un riche planteur tombe amoureux d'elle et l'épouse. Il s'appelle José Sandano, il lui donne sa fortune et il la suit dans la piraterie. Hélas, une terrible tempête fit sombrer le navire. 8 survivants échappèrent à la noyade pour se mettre sur un radeau fabriqué en hâte. Charlotte et José en faisaient partie. Le radeau dériva 8 jours sans eau ni nourriture. Est-ce que vous avez entendu cette chanson qu'on chante terriblement jeune aux enfants? Il était un petit navire, et la la la la la la la. C'est pas du pipeau. Les rescapés tirèrent à la courte paille pour désigner celui qui serait mangé par les compagnons. Le sort tomba sur José, qui fut tué par le second. Très peu de temps après, un navire marchand croisa le radeau et sauva les 7 rescapés. Ils racontèrent qu'ils étaient des marchands dont le bateau avait sombré dans la tempête. Hélas, le navire qui les sauva fut attaqué par des pirates quelques jours plus tard. Charlotte repoussa l'ennemi et sauva l'équipage. Mais elle était dégoûtée de la vie après la fin atroce des 2 hommes qu'elle avait aimés. Après son triomphe, elle se jeta par-dessus bord en criant « José » et disparut dans les flots. Voilà la plus belle histoire de toutes celles que j'ai relevées. Et je ne vous les raconterai pas toutes, mais maintenant je vais aller très vite sur une qui est vraiment très peu connue, la reine des pirates de la mer d'Oman dans les Indes à la fin du XVIIe siècle. Elle a été choisie par la population pour gouverner une province parce que les gens croient que la nature d'une femme est d'être douce et plus à l'écoute des doléances. On ignore son nom. Elle régna avec autorité sur une flotte gigantesque sans jamais monter sur un bateau. C'est la seule piratesse, chef, capitaine, qui ne soit jamais montée sur un bateau. Les hommes étaient nombreux et, autre exception, très peu armée, mais très rapide et sur des embarcations légères. En 1684, elle laissa la vie sauve et rendit son navire à un capitaine anglais qui ne lui avait pas menti et il a raconté son histoire. Je passe vite aussi sur Maria Cobham, au sud-est de l'Angleterre jusqu'au Canada, au XVIIIe siècle. Elle suit un pirate, Cobham, qui a été pirate entre 1720 et 1740. 20 ans de piraterie, c'était une exception. On survivait rarement plus de 3 ans en pirate. Elle ne cache pas, et lui non plus, sa féminité à son équipage. Il est extrêmement cruel au début. Elle tempère sa cruauté, et elle est très populaire auprès de l'équipage pour ça, mais très vite, elle devient encore plus cruelle que lui. Et quand il souhaite prendre sa retraite, donc je passe leurs faits d'armes, ils sont recherchés en Angleterre, ils doivent s'installer au Havre en se faisant passer pour de paisibles rentiers. Ils fréquentent la haute société, la délaissent, la maltraitent, et elle finit par se suicider au laudanum. Fanny Campbell, de Boston à Cuba, fin du 18e. Elle est initiée à la navigation par son fiancé marin. Quand il est fait prisonnier par la géole de la Havane, elle se travestit en homme et s'engage sur un brick de commerce. Elle organise une mutinerie, elle est élue capitaine, elle prend très vite la tête de 2 navires, elle sème la terreur et délivre son fiancé qui l'accompagne en piraterie. Ils deviennent, à la Révolution, des corsaires. Elle reste définitivement à quai après sa première grossesse. Sadie la chèvre, l'unique chef piratesse des fleuves. Ça se passe à New York, à Manhattan, au 19e siècle. Elle est connue comme chef de gang en 1869. Sadie Farrell fut surnommée la chèvre à sa manière de donner des coups de tête, d'attaquer à coups de tête. Elle fréquente un bouge sordide dont la videuse est une géante qui a l'habitude d'arracher les oreilles de ceux qui lui prennent la tête et qui conservent les oreilles dans son bocal. C'est ce qui arrive à Sadie. dans un bocal de Saumur. Sadi prend la tête des pirates fluviaux et portuaires jusqu'à ce que la police l'oblige à revenir à ses anciennes activités. Après la fermeture du Bouge pour excès de meurtre, la videuse et elle deviennent amies. Elle récupère son oreille qu'elle porte en médaillon jusqu'à sa mort. On passe maintenant au maire de Chine. À la maire de Chine, alors voici la plus grande le plus grand pirate de tous les temps, hommes et femmes confondus. Elle s'appelle Qing Yi Sao, 1775-1844. On est donc au 19e siècle. Elle était déjà une navigatrice très expérimentée quand elle prit la succession de son mari, un pirate vietnamien massacré par son équipage pour excès de cruauté. L'amiral, avec un E au féminin, dirigea une flotte de 800 grandes jonques et 1000 petites. Elle était à la tête d'une flotte de 70 000 pirates. Elle est considérée donc comme le plus grand pirate de tous les temps. Elle avait un produit de magasin, un magasin de produits transbordés dont elle gérait la comptabilité et le partage du butin. 4/5 pour la collectivité, pour le fonds commun, et 1/5 pour le pirate. Contrevenir à son règlement était puni de mort. Elle payait très bien et nourrissait très bien son équipage qui était assuré d'un emploi. Mais elle était très moralisatrice, il fallait être marié dans les règles. Si on n'était pas marié dans les règles, puni de mort. Par exemple, le sort des prisonnières dépendait de la permission de l'économe. Si l'économe l'autorisait, les prisonnières étaient violées. Mais sinon, celui qui les violait sans autorisation, puni de mort. C'est spécial. L'empereur l'obligea à se recycler sur terre, parce qu'elle a eu sur le dos l'empereur de Chine quand même. Son entreprise de contrebande devint très prospère à moindre risque. Un ancien prisonnier anglais relata son organisation et les péripéties de sa vie. Là, je vais passer sur Madame Hong Cholo, qui a une chef piratesse qui est devenue colonel des forces armées. Elle a été embauchée par un général. Ensuite, Lai Shou San, en mer de Chine, début du XXe siècle. Et là, on a une photo d'elle avec ses forbans. Son père est un ancien coolie pauvre devenu inspecteur de la gigantesque flotte de Macao. Et il a formé dès l'enfance Lai Shou San à extorquer de l'argent et à pirater. Elle lui a succédé, elle est devenue rapidement numéro un, c'est comme ça qu'on l'appelait, ou alors on la surnommait aussi la montagne de prospérité. Elle était raffinée à terre pour ses affaires, mais vêtue en homme et pieds nus en mer, à la tête de 12 jonques très rapides. Elle était très populaire et les pirates n'ignorent... attendez... Pardon, elle était très populaire et les autorités fermaient les yeux sur son racket. Elle possédait aussi deux maisons de jeu. Les familles des otages riches recevaient d'abord une oreille, puis un doigt, puis un nez, jusqu'au paiement, sinon zigouillé. Il y avait des prêtres taoïstes qui organisaient des cérémonies dans sa cabine avant les départs. Elle a un journaliste finnois qui fut subjugué, qui visita même la maison des prisonniers et des tortures. Lai Shou San eut deux maris, beaucoup d'amants et deux fils. Ce sont les Japonais qui mirent fin à la piraterie chinoise en décembre 1939. 37, pardon. Ce que devint Lao Shan est incertain. Voilà, les 20 minutes sont... J'ai déjà fait une conférence d'1h40, il a fallu que je... Il y a aussi une très grande piratesse dont Michel Lebris parle pendant plein de pages qui s'appelle Lady Killigrew et qui était aidée par Elisabeth Ier aussi. Mais là, j'ai pas le temps, puis sa vie est trop compliquée. Donc du coup, on va passer à la deuxième partie... débat. Donc, est-ce que certaines personnes souhaitent rebondir sur ce qui a été dit, soit pour poser plus de questions ou rajouter quelque chose. Peut-être tout le monde est un peu surpris déjà de l'histoire du voyage qui vient de nous être proposé. Alors n'hésitez pas, même si c'est des questions. Je peux vous parler du côté pirate. Il y a une question. Bonjour madame. À partir, on dit mes hommages, c'est ça? À partir de quel moment vous avez commencé vos recherches sur le début des pirates, c'est-à-dire à vers quelle date pensez-vous que les pirates arrivent? Les pirates, on a la preuve d'elles du temps des Vikings, donc les guerrières suédoises, là, la gravure de date du XVIe siècle, mais donc on a la preuve. Les Vikings qui ont envahi la France par la Seine, il y avait un quart, c'était des femmes chez les pirates. Et les guerrières suédoises, il y avait beaucoup de Suédoises, elles étaient aussi capitaines. Il y a des tas de traces. Alors il y a de la piraterie depuis Pline l'Ancien qui se plaint des pirates. Alors là, on n'a pas de traces de femmes. On a des traces depuis le Moyen-Âge. Depuis quand je m'y intéresse, par hasard, j'ai découvert un livre dans une bibliothèque, dans la bibliothèque municipale de mon quartier, Sarah Lorimer, qui s'appelle... j'ai oublié le nom, mais de toute façon... il est totalement épuisé et c'est un livre pour les enfants. Alors du coup, j'ai étudié ça. Si vous venez un autre jour qu'un dimanche et qu'un lundi, vous avez ici à cet emplacement une librairie, la librairie Libertalia ou alors Publico. Et je sais qu'ils vendent un livre qui est sorti à l'automne dernier, justement pour répondre à votre question. J'ai lu ce livre aussi. Il n'y a eu que deux livres qui ont été entièrement consacrés aux femmes pirates. L'autre s'appelle Écumeuse des mers et c'est de Marie-Ève Stenuit et c'est paru en 2015 et on le trouve absolument partout. Sinon, il y a deux femmes pirates qui sont très célèbres, mais elles n'étaient pas capitaines, donc j'ai refusé d'en parler. Il y en a une, c'était la femme de John Rackham, c'était Anne Bonny, il y a eu des tas de films sur elle. L'autre, c'était Marie Red, parce qu'elles se sont retrouvées dans le même bateau, mais elles n'étaient pas capitaines. Et c'est Daniel Defoe qui a retracé leur épopée, non, mais pas seulement, elles ont été prises et elles ont eu des procès. Voilà, leur procès, Daniel Defoe a retracé en détail leur procès. Il y en a eu d'autres qui ont été, dont on a en détail les procès, qui ont été pendus quelquefois. Il y a qui est paru les femmes pirates et c'est l'extrait des deux gros tomes de Daniel Defoe qui concernent Marie-Red et Anne Bonny. Donc ça fait à peu près un an que je me plonge là-dedans et que je découvre des tas de choses et j'ai appris que les femmes en Chine n'étaient pas du tout reléguées comme c'est étonnant comme chez nous en Occident. Les femmes étaient acceptées comme capitaines pirates, c'était tout à fait naturel. Je vais redévelopper ma question. Je veux dire, est-ce que vous connaissez l'histoire de la navigation, c'est-à-dire depuis quand on navigue sur les mers, qu'il y ait des armées et autres sur les mers, et donc de là, est-ce qu'on ne peut pas estimer, étant donné que la notion, comment on gère les femmes aujourd'hui en Occident, n'a rien à voir avec, comme vous venez de le dire, les peuples anciens. Et donc, en sachant cela, puisque les peuples anciens, les femmes étaient beaucoup plus respectées qu'aujourd'hui, et même des fois souvent beaucoup plus que les hommes, est-ce qu'on ne peut pas imaginer que vu que l'histoire de la navigation est très très très ancienne, ce qu'on ne nous apprend pas, donc les femmes pirates sont aussi très très très anciennes? Oui, ça on sait que les femmes pirates sont très très très anciennes, mais ce qu'on sait aussi c'est qu'elles n'étaient pas toujours très bien traitées, ça faut pas rêver non plus. Il y a des viols, des massacres. Et Daniel Defoe a inventé Libertalia, le capitaine mission, on le sait maintenant. Son île, c'était à Madagascar. Il a inventé une société idéale. Société idéale, c'était vrai, c'était un refuge pour les pirates. Il y en avait aux Caraïbes, il y en avait à Madagascar et ailleurs. Où c'est vrai qu'il se battait contre l'esclavage, il était contre l'esclavage, ça c'était magnifique, mais les femmes, elles étaient totalement ignorées dans l'affaire. Et quand ils allaient faire des, des incursions à Madagascar chez les Indiens, ils massacraient les femmes. Donc les femmes étaient assez maltraitées, sauf que elles ont été. Il y en a plein qui s'engageaient en cachette dans l'armée, déguisées. Et quand au XVIIe siècle, qu'a été le 16e et 17e, ça a été les deux siècles d'or de la piraterie occidentale. Comme il y avait des guerres, par exemple, Louis XIV, Louis XVI, enfin, à toutes ces époques-là, les recruteurs n'allaient pas voir si les femmes se déguisaient pour s'engager dans l'armée. Il y en a qui ont été, il y a des piratesses, on a vu leur histoire, elles ont d'abord été engagées sur l'armée de terre et elles étaient fleurettistes, enfin. Bon, et surtout, quand on voit les films actuels, comment on imagine les piratesses avec des super décolletés très très sexy et très près du corps, ça c'est un fantasme machiste occidental du 21e siècle. Il y a d'autres personnes qui veulent poser des... Alors Florence, qu'est-ce qui t'a poussé à venir parler des piratesses sur la place de la République? Bon, je peux répondre, ça va aller très vite. D'abord, j'ai fait une fois une conférence au musée d'histoire, d'art et d'histoire de Saint-Denis au printemps, qui a duré 1h40, j'ai dit. Et je me suis dit, pourquoi je ne le ferais pas à la place de la République? Puis au début, je n'osais pas, puis un jour, je me suis lancée. Voilà, c'est tout. Oui, vous avez parlé aussi d'élection des capitaines. Je crois qu'il y a un livre qui dit que je l'ai pas lu, mais j'ai entendu parler qui dit que les corsaires ou les pirates avaient peut-être, vous avez parlé du code des pirates, mais avaient un fonctionnement démocratique et ils luttaient aussi d'une certaine manière contre le grand commerce et le capitalisme. Est-ce que vous pouvez... Non, ils luttaient pas contre le capitalisme. Hélas, ça c'est un rêve des anards de maintenant. Mais ils avaient vraiment un code qui était démocratique, parce que chez les corsaires et surtout chez la marine royale, c'était assez épouvantable la manière dont ils étaient traités, dont ils étaient mal nourris, dont ils étaient battus. Donc il y avait souvent des mutineries et quelquefois il y avait des femmes à la tête des mutineries. Et avant chaque départ, il montait un code. Et Daniel Defoe a relevé les codes de certains grands pirates. Les Chinoises aussi avaient un code. Il y avait son code. Il y a un exemple. Si ça vous intéresse, je peux vous dire rapidement des exemples de la loi de Barthélemy Roberts, qui était un pirate en 1920 et 1923, qui est mort en mer à moins de 40 ans. Et il avait institué un conseil privé des hommes les plus dangereux. Alors le capitaine était élu par son équipage. C'était en général le plus vaillant. Le second de l'équipage, c'était celui qui servait de contrôle, on peut dire. Il avait la charge de vérifier si le butin était bien distribué équitablement. Parce que quand on était pirate, on ne pouvait pas se permettre de faire exactement comme les corsaires et la marine royale, parce que sinon on ne tenait pas, la vie était vraiment trop dure. Alors voilà, article 1. Tout pirate a droit de vote pour les affaires d'importance. Il a droit égal sur les vivres dont il use à sa guise, sauf en cas, hélas fréquent, de disette. Il y a une chose dans le code des pirates qui est un exemple pour maintenant. Je vais vous le dire tout de suite. C'est l'article 10. Quand vous savez combien nos chefs d'entreprise gagnent par rapport à l'ouvrier de base, c'est combien de milliers de fois plus, enfin j'en sais rien parce que j'arrive même pas à imaginer, c'est au-delà de mon imaginaire. Bon, alors, voilà, merci monsieur, une vingtaine de SMIC par heure. Ah bon, ils veulent le limiter à 100 SMIC par heure. Alors, voilà comment c'était. Alors, bref, c'est tellement monumental. Voilà comment c'était sur les vaisseaux pirates. le capitaine et le second, c'est-à-dire le quartier-maître, qui avait plus de poids que le capitaine, sauf pendant les guerres, pendant les assauts et les tempêtes. Le capitaine était égaux à tous les autres, sauf il était maître incontesté pendant les tempêtes et pendant les assauts. Le capitaine et le quartier-maître recevront deux parts sur chaque prise. Le bosseman, c'est celui qui est un peu le régisseur en matériel. Le canonnier et le charpentier recevront une part et demie. Et tous les autres recevront une part. Alors ça, c'était plus que démocratique. C'est pour ça qu'il y en a qui disent que les pirates étaient libertaires. C'est un peu exagéré, vraiment exagéré. Alors, Barthélemy Roberts aimait la musique, alors il avait rajouté un article. Les musiciens se reposeront le jour de sabbat, les autres jours ils devront avoir une permission spéciale pour se reposer. Bon, ça c'est spécial à lui. Mais sinon, l'article 8, les rixes et les batailles sont interdites à bord, les querelles se vident à terre, à l'épée ou au pistolet. Il est interdit de jouer de l'argent ou au dé ou aux cartes, article 3. Article 4, ils avaient peur des incendies. Article 4, à partir de 20h, extinction des chandelles et ne boire que sur le pont. Article 5, prendre soin de l'armement. Ah, j'ai oublié. Article 2, chaque homme retossaisit sa part de butin et un habit neuf. L'auteur du vol au détriment de la compagnie sera abandonné sur une île déserte, c'est-à-dire la mort à petit feu. Au détriment d'un compagnon, il aura le nez et les oreilles fendus et sera débarqué dans un lieu où il devra peiner. Aucune femme, article 6, aucune femme, aucun jeune garçon ne doit vivre à bord. Parce que bon, ils avaient des gitons, comme on dit. Aucun jeune garçon ne devra vivre à bord. Si un homme ayant séduit une femme l'introduit à bord sous le couvert d'un déguisement, il sera puni de mort. Article 7. La désertion ou l'abandon de poste pendant le combat est puni de mort ou de débarquement sur une île déserte. Article 9. C'est l'article qui parle du pot commun. Ils ont autre chose. On peut dire que les pirates ont inventé la sécurité sociale parce qu'il y avait un pot commun qui était à chaque fois qu'on était blessé. L'imaginaire du pirate avec un œil en moins et puis une jambe de bois. Ça arrivait et en général, à part cas exceptionnel, ils pouvaient plus batailler, guerroyer, donc ils étaient à terre et ils avaient, je sais plus, alors là, celui qui perd au cours d'un combat un membre ou sera estropié, il recevra $800 pris sur la caisse de la compagnie. Alors les dollars de l'époque, là j'avoue que faut pas m'en demander plus. Les blessures plus légères donneront droit à des indemnités moins fortes, prélevées de la même façon. Les veuves aussi et les enfants. Donc il y avait une caisse de sécurité. Ce que nos gouvernants veulent supprimer, la sécurité sociale, ça existait déjà, c'est les pirates. Ça, c'est un charpentier qui a été élu capitaine en 1723 à bord du Revenge. Celui qui maltraitera ou battra quelqu'un de la troupe subira la loi de Moïse. C'est ce qui a été la loi de Moïse, 40 coups de fouet sur son dos nu. Idem, je pourrais vous raconter. Celui qui perd l'usage d'une articulation dans le combat recevra 400 pièces de 8. Si c'est une jambe ou le bras, il recevra 800 pièces. Si, dans l'article 9, si dans chaque vaisseau dont nous nous rendons maître, il se trouve une femme d'honneur, celui qui la débauchera sera puni de mort. J'en ai plein comme ça. Il y a d'autres questions? Oui, attendez, je vous donne le micro. S'armer, et il s'arme encore d'ailleurs, la piraterie existe encore. Quoi. C'était souvent des mutineries, donc ils prenaient l'armement de la marine sur laquelle ils étaient. Et puis, Ils avaient une telle rage. Ils savaient qu'ils n'avaient rien à perdre. Ils savaient le sort qui les attendait. Donc, ils avaient une telle rage que bah, ça devait décupler leur force. Ils étaient vraiment... on avait peur d'eux. Et ils prenaient l'armement. Ils prenaient aussi tout ce qui pouvait servir à la réparation du navire. Et puis, quelquefois, ils faisaient des razzias à terre. Alors, ils gagnaient de l'argent, mais dès qu'ils étaient à terre... Ils le buvaient, ils allaient au bordel. Enfin, c'était, ils dilapidaient d'une façon assez incroyable. La légende du pirate qui enterre son butin, c'est ça a quasi peut-être existé, mais à peu près jamais, presque jamais. Il y a des butins qui sont tombés dans les tempêtes au fond des mers, ça c'est vrai. Et puis il y a des gens qui passaient de la piraterie au corsaire. En fonction de leurs intérêts, et les corsaires devenaient pirates quand parce que les guerres étaient tellement invraisemblables qu'ils étaient en mer pendant très longtemps, ils n'étaient pas au courant qu'il y avait le pays dont ils étaient dont ils venaient était plus en guerre, mais était en guerre contre un autre. Enfin, donc en fait, les pirates, ils étaient internationaux. Entre guillemets, parce qu'ils en avaient rien à faire de la nationalité, sauf en général les Espagnols en prenaient pour leur grade, parce que tout le monde se liguait contre les Espagnols. Ils avaient été tellement féroces, épouvantables, c'était même les pirates les plus aguerris étaient horrifiés par la barbarie des Espagnols vis-à-vis de tout ce qu'ils ont fait en Amérique latine pendant la conquête. Je sais pas si j'ai répondu. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou remarques? Moi, j'avais une question, mais je ne sais pas si vous pourrez répondre. C'était un petit peu... qu'est-ce qui a fait que... Parce que vous avez dit que c'était en 1937 que ça s'était terminé. En Chine, d'accord. Et moi, je voulais savoir ce qui existe. Enfin, est-ce qu'actuellement, il y a encore de la piraterie? Et quelle forme ça a? Et comment, du coup... voilà, pourquoi ça s'est arrêté à ce moment-là en Chine aussi? Alors là... je me suis arrêtée à 1937 et je n'ai pas lu le bouquin sur les pirates de Somalie. Et j'avoue que là, je ne sais pas répondre à la question, mais il reste encore de la piraterie et des gens qui sont qui n'ont plus rien à perdre. Et là, je ne sais pas. Faudra que je m'y mette sur les pirates de Somalie. Il y a un livre qui est édité aussi, qu'on trouve à la librairie Publico un peu plus loin. Un gros livre sur les pirates de Somalie, 145 rue Amelot, vous le trouverez, sauf le lundi et le dimanche. Parce que il y a eu des guerres, je sais pas, ils ont été plus forts. Les Japonais ont envahi la Chine, puis après il y a eu la guerre de la révolution, Mao et compagnie, là, je sais plus. Là, je me suis arrêtée là dans ma... Oui, bonjour, une petite question. Peut-être vous n'avez pas eu le temps de voir, est-ce que sur la Méditerranée, où il y a énormément de pirates, vous n'avez pas d'histoire? Sinon, est-ce que c'est dû un peu au machisme des Méditerranéens? C'est étonnant de voir qu'il y a des pays qui sont quand même un peu durs avec les femmes, où il y a eu des piratesses qui étaient élues capitaines. Le machisme des Méditerranéens, c'est plutôt le machisme des historiens qui n'ont pas relevé. Donc on ne sait pas. Vu qu'elles se... Elles se cachaient en tant que femmes. Il y en a eu des tas. On n'a pas su qu'elles étaient des femmes. Est-ce qu'il y a des femmes corsaires officiellement? Il y a eu des femmes corsaires? Oui, il y a eu Louise Antonini, femme corsaire corse. Alors, le livre de Marie-Ève Stenuit... on relate plusieurs et là, j'ai pas retenu les détails, mais il y en a eu des femmes corsaires. Et d'ailleurs, là, c'est une proue de navires corsaires que l'on trouve à Saint-Malo, et c'est une femme avec une arme. Bon, elle a les seins à l'air, ça c'est encore les fantasmes, mais c'est quand même une proue de navire qui est féminine. Avec un sabre, oui. Ah, mais les femmes savaient se battre à l'épée, hein. Ça c'est... Il reste à peu près 5 minutes, donc est-ce que quelqu'un d'autre veut faire une remarque ou une question sur ce qui a été dit jusque maintenant ? Du coup, je vais te laisser conclure. Voilà, tu as 5 minutes, donc vas-y. Il y a un pirate qui s'appelait Sam Bellamy qui avait une conscience sociale. C'était à peu près le seul. Faut que je retrouve. Ah oui. Là, voilà, je vais conclure avec ça. Exceptionnelle était la réflexion sociale contre la justice de Sam Bellamy, qui a été pirate pendant moins de 2 ans parce qu'il est mort dans une tempête. C'était aux Antilles au début du 18e. Il était très respectueux de son équipage et des prisonniers. Et il a clamé plusieurs fois à plusieurs personnes, à des Anglais qui ont répété. Ils volent les pauvres en se couvrant de la loi, oui mon Dieu, alors que nous, nous pillons les riches sous la protection de notre courage. Quant à moi, je suis un prince libre. Lui, je pense qu'on peut le qualifier de libertaire, Sam Bellamy, mais c'est le seul. On va conclure avec Gilles Lapouge. Gilles Lapouge, c'est un historien de la flibuste qui dit... Les atrocités commises par ces impies impénitents n'empêchaient pas la religiosité, le sens de la liberté ambiguë, sans idéal, du pirate était nihiliste. Le pirate n'était ni révolté, ni affolé, ni même étonné. Le néant était son maître et l'organisateur de sa démence. La mer étant l'allégorie de l'éternité, les pirates ont choisi de mourir sans mémoire. Cette culture sans cimetière est une culture résignée. Ils furent épouvantables et fraternels, pervers ou compatissants, mais leur noblesse fut de mourir sans vanité. Merci beaucoup. Très intéressant. Je me rends compte que je savais absolument rien des pirates avant votre intervention. Je le raconte à la radio de temps en temps sur Radio Libertaire. Des cailloux dans l'engrenage, l'enfance poil à gratter. Ça fait depuis le septembre dernier qu'il y a tous les mois une rubrique sur les pirates. Troisième et cinquième mercredi du mois de 14 à 16 heures, 89.4. Merci. N'hésitez pas à vous rapprocher et à vous asseoir, hein. Prenez place, on est bien, on se tient chaud.